pas vieillir. Les yeux collés, les lèvres séchées, la peau morte. Avec du goût, poudron plein les pieds sous l'œil amusé d'un cloporte. Je veux pas vieillir, le cerveau vide et les oreilles désaffectées. Devant un nez, grand translucide du DDT dans les idées. Dans mon poisson, j'ai trouvé du mercure. Mes amygdales s'agglutinent au charbon. Y'a du moisi sur mes égratignures, du défoliant dans l'opinion. Je veux pas vieillir, tout boursouflé avec des trous dans la mémoire. Comme un vieux con, bail épuisé, coincé dans un laboratoire. Je veux pas vieillir, entre un mammouth, la voie ferrée et la décharge. Derrière une breue, telle d'autoroute au pied du mur de Berlin-Plage. Dans mon café, j'ai trouvé du café. Dans les hormones, il y avait même du poulet. Je me disais bien qu'il y avait un drôle de goût. Enfin, on s'habitue à tout. Wimpy, Big Mac, fast food, Wimfish, chips and chicken fried. Popcorn, ketchup, ice cream, milkshake, Coke and apple pie. Cheeseburger, cheeseburger. A Wimpy, Big Mac, fast food, Wimfish, chips and chicken fried. Popcorn, ketchup, ice cream, milkshake, Coke and apple pie. Ya bleu de bœuf, mord ni de tarte tatin. Y'a des hot dogs, E320. Si t'as encore faim.